3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Alors, pendant que Julien s'installe et remet ses affaires, eh ben on peut lancer l'émission. C'est parti. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Aujourd'hui, lundi 14 février, la fête des amoureux, la Saint-Valentin, un rendez-vous du coup pour les amoureux des Knicks. Voilà. Hein. Et vous savez qu'en amour, des fois, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des relations compliquées. En ce moment, on a plutôt une relation relativement compliquée avec nos Knickerbockers. Voilà. Julien, comment vas-tu en ce 14 février ? Écoute, personnellement, ça va. Et en tant que fan des Knicks, c'est un peu moins bien. Ça va un peu moins bien. Bon, bah écoute, hein, on peut pas être heureux au jeu, en amour. Enfin, je sais plus quel est le dicton. Vous me redirez en commentaire. En ce moment, avec les Knicks, c'est pas le grand amour. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Allez, on a beaucoup de choses à se raconter parce que la semaine passée était très chargée. La semaine à venir va être un peu plus light. Mais quand même, on a pas mal de choses à se dire. Donc, on perd pas plus de temps et on revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On est parti, Julien ? Allez, let's go ! Allez, c'est parti, let's go. Alors, j'ai sorti le jersey All-Star. Hein, ça fait un moment qu'on n'a plus de All-Star Onyx. Enfin, si, il y avait Julius Randle la saison dernière. Hein, mais j'avoue que le jersey, j'ai pas craqué dessus. Que les prochains, je ne suis pas sûr. Et puis, il n'y a pas d'Onyx. Donc, voilà. Donc, j'ai ressorti un vieux jersey de notre Melo. Hein. Et puis, du coup, en cette période de festivité qui approche par rapport au All-Star Weekend. Eh bien, la NBA a encore continué ses petites commémorations, ses petits awards, ses petits moments revival, et nous a sorti la liste des 15 meilleurs coachs all-time de la NBA. Et donc, dedans, on retrouve des coachs qui sont passés par les Knicks, plus ou moins longtemps, hein, c'est certain. Lenny Wilkins, c'est pas resté très longtemps, malgré que ça soit un des meilleurs coachs all-time, avec un des meilleurs bilans. Par contre, celui qui a été surtout mis en avant, bah, c'est Red Holzman. Le mythique coach des Knicks, celui qui a son numéro, alors pas numéro de jersey, mais numéro par rapport à ce nombre de victoires, retiré au plafond du Madison Square Garden. C'est assez rare pour le citer, il n'y a pas non plus énormément de coachs qui ont cet honneur dans la ligue, mais encore moins aux Knicks. Et voilà, c'est le coach double champion au début des années 70, donc il fait partie du gratin, il n'a pas été oublié, c'est pas forcément le coach qu'on a en tête quand on évoque les plus grands coachs de la ligue, mais il a sa place parmi les meilleurs. Le panel de votants a voté pour lui, et voilà, on comptait lancer l'émission avec cette petite attention. C'est pas si souvent que ça qu'on peut, on va dire, avoir les honneurs de la ligue, donc profitons-en un petit peu, n'est-ce pas Julien ? Tout à fait. Tout à fait, voilà, c'est simple, c'est concis. Bon, parce que sinon, les Knicks, on en parle souvent, et quand on joue, qu'on ne joue pas, il y a toujours moyen d'en parler, et quand c'est pas les performances sur le terrain, c'est ce qui se passe un petit peu en coulisses. Alors, on a eu encore un épisode signé Julius Randle, qui a claqué méchamment de la high-tech, un PC portable, par rapport à un assistant qui venait lui montrer une séquence pendant un temps mort. Ça lui plaisait pas, Julius, il était un peu chafouin, il était un peu bougon. À vrai dire, il est bougon depuis le début de la saison. Donc là, ce coup-ci, l'assistant coach qui est venu lui expliquer comment mieux jouer au basket, ça lui a pas plu sur le moment. Bon, hein, encore un épisode de plus sur cette longue saison où on peut reprocher pas mal de choses à Julius sur ce comportement. Qu'est-ce qu'on raconte de plus par rapport à ça, Julien ? Ouais, c'est à l'image de sa saison. Alors, on va parler un peu du sportif après, où il y a quand même du mieux chez Julius. Il faut quand même être franc et il va falloir être honnête. Maintenant, son comportement, on voit bien que ça transcrit un mal-être qui, à mon avis, est plus profond. Il n'est pas dans une grande saison, il le sait, et il est assez frustré, et ça ressort souvent de manière très négative. Là, son comportement, on peut en rigoler, mais c'est intolérable. L'assistant, il est pour rien, il va lui montrer quelque chose. S'il vient lui montrer, c'est que certainement Thib ou le coordinateur au-dessus de lui a demandé de le faire. il claque le truc, c'est nul, c'est vraiment nul. Et il envoie chier le mec du staff, et Voilà, il effectivement, le bah traite voilà, de... Il le c'est pas traite une de... attitude qu'on peut Tolérer. justifier, expliquer, voilà, tolérer. Ni tolérer, parce qu'en plus, il le traite comme une merde, le gars fait son taf. Bon, voilà, alors il est à chaud, c'est jamais très facile ou quoi que ce soit. Mais en fait, il n'y aurait que ce truc-là cette saison. Mais en fait, c'est que là, depuis quelques semaines, il rajoute, il rajoute, C'est un il rajoute. épisode de plus, ouais. Et ça, en fait, ça ne le met pas en bonne position vis-à-vis des fans. Et des fans new-yorkais, à chaque fois, il rajoute des petites choses. Et c'est malgré ses stats, malgré tout, il continue à être pris en grippe et il cherche quand même. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui sont sorties de leur contexte. Là, c'était dans l'occurrence dans le match contre les Lakers où il avait fait plutôt un bon match, même Ouais, si bien sûr. au final c'est une défaite. C'est ressorti un jour ou deux après, voilà, sur les réseaux, et voilà, les réseaux sociaux sont friands de ce genre de petites séquences. Thibodeau a un petit peu, on va dire, éteint l'incendie en disant que ça arrivait et tout, que ça faisait partie de la tension d'un match, que c'est des Ouais, bien sûr. compétiteurs, tout ça. Bon, c'est ça, plus ça, plus ça sur le Julius. C'est dommage, ça vient parasiter un début de nouvelle embellie le concernant. Mais voilà, c'était encore un épisode. Donc on verra ce qu'il y aura à raconter sur Julius la prochaine fois. Va-t-il, je sais pas, taper avec le ballon, avec les pieds, ou que sais-je. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais la semaine dernière, il y avait surtout le 10 février. Et le 10 février, messieurs, mesdames, il y avait quoi? Un séisme. Un séisme. Si, il y a eu une grosse, grosse annonce qui est tombée à New York. Ouais. Mais du coup, c'était à Brooklyn. Gros trade à Brooklyn. Bon, nous, ça nous concerne pas tellement. Même si c'est marrant de voir que le projet autour du Big Three avec James Harden, Kyrie Irving et KD aura duré quoi? 16 matchs, 16 matchs. Bon. Ça, c'était attendu. Voilà, James Harden voulait partir, mais voulait pas le dire, voulait pas que ça se sache. Bon, il y a des rumeurs des fois qui circulent autour de la trade deadline. C'était un truc qui était un petit peu latent. Ça s'est passé. Bon, nous, ça nous fait sourire en tant que fans des Knicks parce que voilà, on voit que finalement, les comportements de certaines stars dans la ligue, voilà, sont pas irréprochables, même si côté New York, c'est pas terrible non plus. Et puis il y a eu aussi l'ancienne licorne, l'ancien espoir des Knicks, le numéro 6. Bon, c'est pas Elfrid Payton, c'est Kristaps Porzingis qui a du coup aussi lui aussi fait ses valises. Il est revenu dans la conférence Est, donc c'est cool. On aura l'occasion de le voir un petit peu plus souvent. S'il est en forme au Madison Square Garden. Mais voilà, donc quelques changements dans la ligue. Et puis à New York. À New York, on a attendu. On a attendu des heures. On a attendu des jours. On réclamait des changements. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Julien, dis-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, il n'y a eu absolument rien, comme souvent. Rien. On a attendu. Rien. Après, comme dit l'adage, on ne change pas une équipe qui perd. Qui gagne? Qui Ah, gagne? ok. Non, il n'y a rien eu. Hein. Y a rien eu. Alors. Déception, frustration, est-ce qu'il y avait matière à faire des changements ou pas? Bah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'était surprenant. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a rien eu, qu'il n'y a pas eu des tentatives. Il y a eu beaucoup de rumeurs dans les dernières heures, dans les derniers jours. Dernier Ça a jour. parlé de deal à 3 avec les Lakers, qui eux non plus n'ont rien fait, et qui eux non plus ne sont pas dans la meilleure situation de leur saison, et surtout par rapport aux espoirs et leur effectif, hein, qui regorge de stars tout de même. Donc comme quoi c'est pas si facile que ça de faire des deals en NBA, que la trade deadline c'est un moment, on va dire, assez symbolique, mais tous les deals ne se font pas forcément lors de la trade deadline. On avait fait un papier l'année dernière sur le blog de l'association, sur knicksnationfrance.com, qui retraçait l'ensemble, la chronologie, l'historique de tous les trades de la trade deadline ou autour de la trade deadline dans l'histoire des Knicks. Et quand on regarde un petit peu cette rétrospective, bah on se rend compte que c'est rarement le jour de la trade deadline que ça se passe. C'est plutôt un petit peu avant. Et là, finalement, à New York, c'était bien avant, c'était au mois de janvier. On avait fait un épisode spécial sur ça pour l'arrivée de Cam Reddish. Donc on a attendu beaucoup de choses entre-temps. Il s'est rien passé. Finalement, Léon Rose avait bougé avant. Bon, déçu Julien, tu espérais un move, tu espérais des ajustements, tu espérais que des joueurs partent, que d'autres arrivent. Qu'est-ce que Oui, tu bah, espérais toi? clairement, j'espérais un ajustement plus qu'un gros move. Hein. J'en ai déjà parlé plus d'une fois. Un poste 1 d'expérience, beaucoup de noms sont sortis. Alors après, on est à New York, on est l'un des plus gros marchés, si ce n'est le plus gros marché au basket au monde et notamment dans la NBA. Les rumeurs font partie du truc. Il faut faire vendre du clic, il faut faire vendre des journaux, pardon, et faire cliquer sur les trucs. Donc c'est normal, New York est toujours associé. Et ça, on sait. Donc il y a beaucoup de poubelles, il y a beaucoup d'informations fausses qui sortent. C'est la période où Et les agents aussi qui se servent peut-être de pas mal la de l'histoire. scène, la caisse de résonance new-yorkaise, pour faire un peu monter les Là, enchères. Ça, pour faire un là-dessus, parallèle, on le sait. on appelle la même chose avec le PSG en football, où à chaque fois un nom est associé. C'est bon, bref, c'est la même chose. Maintenant, on a quand même eu des informations qui arrivent pas tout le temps du fait est que la plupart du roster était disponible. Donc ça, je pense que c'est quand même clairement New York qui l'a fait laisser filtrer. Donc je pense qu'il voulait faire quelque chose, ça ne s'est pas fait. Après, ça ne se fait pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nos joueurs font une saison de merde. Donc il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont envie de les avoir. Et ce Difficile à vendre, ouais. qu'on nous a proposé peut-être n'était pas très intéressant. Après, on peut voir aussi le fait que, bon, les home rules, au final, sur les plusieurs fenêtres qu'on a eues, trade deadline et free agency, c'est pour l'instant un bilan très mitigé. Là, je pense qu'il fallait essayer de faire quelque chose. Ils n'ont pas réussi à le faire. Alors, il y a eu d'autres moves. Moi, ce que je vois, il n'y a pas eu tant de moves que ça. Alors, il y a eu la dinguerie Harden, mais il voulait partir. Il y a le move des Kings qui est un peu bizarre à Alberington, là, qui est parti. Un meneur très intéressant. Est-ce que nous, on aurait pu se positionner? Parce qu'au final, Sabonis, Randle, bon, tu vois, et tout. Maintenant, il y a aussi le fait que Thibodeau a vraiment pas arrêté de marteler qu'il ne voulait pas se séparer de ses gars, qu'il était content et tout. Ouais, il a dit que finalement il aimait son groupe, C'est ça. même s'il n'arrive pas à avoir les résultats qu'il voudrait, même si il a mis Kemba à la cave pendant un moment, puis maintenant il le garde comme un starter et il veut pas changer sa rotation. Peut-être plus qu'un changement dans le roster. Nous, on voudrait plutôt des changements dans la rotation parce qu'on voit que la formule ne fonctionne Ouais. pas. Et puis tu pouvais faire un Mais petit point. Thibodeau, finalement, a fait front avec son équipe et n'était pas partisan de faire un move pour faire un move. Non. Thibodeau, il veut monter Donc. avec ses idées et son équipe, j'en parlerai après. Là où, par contre, on a un problème, et c'est aussi quand tu fais un move juste avant, tu en as parlé de Cam, Reddish, c'est pas non plus le plus grand joueur de NBA de tous les temps, je suis d'accord avec ça, mais que tu ne le fais pas jouer. C'est-à-dire que Et là, il y a eu des rumeurs, il y a eu des bruits qui ont fuité un peu, disant que Thibodeau n'était pas partisan de ce trade. On va Reddish, dire, ça se voit quand il ne le fait pas jouer, ouais, puis Reddish était mais. déjà dans des rumeurs de départ. On ne s'est pas sorti nulle part, je pense aussi. Peut-être que lui aussi se dit qu'il a envie de jouer. Et il a aussi envoyé un message en front office, Thibodeau, puisqu'en gros, ce qu'on a compris, bah, on l'a vu sur le terrain, mais ce qu'on a compris dans les journaux, c'est que c'est un move qui a été fait du front office parce qu'une opportunité d'un joueur intéressant et tout, mais que lui, les gars, j'en veux pas, donc je le fais pas jouer. En gros, Ouais, c'est moi les gars, j'ai pas besoin de Cam Reddish aujourd'hui. Il vient me remplacer un Kevin Knox que je faisais pas jouer. Ma rotation, elle est en place, quoi. C'est ce qu'il dit. poliment, je vous montre que j'en ai pas besoin. Alors, il a joué un peu plus là, sur les deux derniers matchs parce que RJ, mais sinon, Thibodeau leur montre sans aller au clash, il fait pas de déclaration, rien ou quoi que ce soit, mais je Non, mais du suis coup, on sent un petit peu de friture sur la ligne là. entre le front office et le coaching staff. La friture, On a elle est liée. l'impression que chacun ne va pas dans la même direction, quoi. La friture, elle est simple, c'est les résultats. Aujourd'hui, Thibodeau aurait des résultats, il transfère Cam et il ne le fait pas jouer. Je pense que front office dirait, écoute, on t'a mis une pièce en Bon, plus. bah, t'as raison, t'as raison. T'en fais ce que tu veux. Le problème, c'est que nous, on perd match sur match et le bilan est catastrophique depuis une dizaine de matchs. Et au-dessus, eux, ils veulent du résultat. On avait l'ambition des playoffs. Thibodeau ne l'atteint pas avec ça. La trade deadline, on en parle un peu plus aujourd'hui parce que c'est quand même un gros dossier. On n'a rien, on n'a pas pu faire ce qu'on a voulu. Mais ils te mettent quand même une pièce en plus, qui est quand même plus forte que Kevin Knox, je pense. Il ne fait pas jouer. On a fait d'ailleurs un sondage sur Twitter. On vous a demandé qui était plus fort, Kevin Knox ou Cam Reddish. Eh bien, le résultat, c'était 95% pour Cam Reddish. Ah, sans Donc bon, blague. voilà, on voit, il y a quand même 5% de gens qui pensent l'inverse. Alors, c'est peut-être des fans des Hawks, c'est peut-être Tom Thibodeau qui finalement ne veut pas faire jouer Cam Reddish, Ou des ou fans des c'est Nets. peut-être la famille de Kevin Knox. Des fans des Nets, ouais, peut-être qu'ils nous suivent, je ne sais pas. Ah bah Salut à eux, en tout forcément. cas. Mais pour ça, tout ça pour dire que. Effectivement, en mettant un Cam Reddish, on a quand même un joueur qui a un peu plus de talent, qui donne l'impression d'avoir plus de potentiel, ne serait-ce que par rapport à ses attitudes défensives, par rapport à sa longitude, longévité, je ne sais pas, enfin sa longueur. Donc voilà, Tom, tu peux te servir de ce genre de joueur. Tu peux t'en servir. Essaye, ça ne te coûte rien. Et Au du coup, pire, s'il n'est pas bon, tu le benches. le front office, tu vois, se dit un petit peu, nous, on fait un move, tu nous fais passer un peu pour des cons quand même, hein. Un pas le faire Ah, jouer. il y a un peu de ça, il y a un peu de Donc, ça. il y a l'affaire. Après, comme je te dis, il gagne. Je pense qu'au-dessus, ouais, on ne dit rien. Mais tu perds à New York, quand tu perds autant de matchs d'affilée, ça commence à À grincer. grincer des dents. Et là, le fait qu'il n'y ait pas eu de move et tout. En fait, là, je pense que beaucoup de fans sont déçus. Hein. Alors, je ne parle pas des réseaux parce qu'on a beaucoup de dingueries et de stupidités qu'on voit un peu partout. Voilà. Mais. Ah, il y a beaucoup de culture de l'instant. Il faut des Exactement. fois savoir un petit peu prendre du recul par rapport à tout ça. Je comprends qu'on soit. Moi, je fais partie des déçus. J'ai toujours dit, j'espère un meneur d'expérience, quelque chose qui vient aider un petit peu comme Derek Rose la saison passée. Tu nous avais cité le nom de DJ Augustine, qui n'est pas forcément le meneur le plus flamboyant, hein, on est d'accord. Hein. Non, mais je parlais de. Mais bah, du coup, tu ne l'as pas eu. Hein. Désolé, Ah ouais. Julien. Non, mais je parlais de type. Alors, j'ai vu passer Dragic. Je pense pas que ce soit le joueur qui faille parce que Dragic, quand même, Ah! c'est un meneur Moi, d'expérience. j'avais un avis peut-être un peu différent. Beaucoup étaient contre la venue de Goran Dragic parce que meneur qui veut pas jouer à Toronto, parce qu'il se plaisait très bien à Miami, ce qu'on peut comprendre, hein, tu vois, entre passer la vie en slip de bain ou passer la vie en doudoune, c'est pas le même délire, on est d'accord. Mais pour autant, Toronto fait plutôt une belle saison cette année. Il avait Ouais. peut-être moyen d'apporter dans cet effectif jeune, justement, ce rôle d'un peu de mentor. Ça aurait pu être intéressant. Il veut pas jouer, il veut pas jouer, il est parti aux Spurs, avant peut-être un buyout, à voir. Mais il arrivait en fin de contrat, donc ça pouvait aussi être un move qui permettait de retrouver une certaine flexibilité financière pour l'été prochain. Ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Bon, bah voilà, ça sera Moi, pas je pense lui, que mais bon, est-ce que ça aurait été un upgrade au niveau c'est roster? pas Moi, parce je que pense c'est que ça un. pouvait apporter un peu de QI basket, quoi. Alors, il a QI Basket, un joueur que j'apprécie pourtant hein, beaucoup, le Slovène et tout, vraiment, je l'ai vu jouer à la Slovénie et tout, vraiment très bon joueur. Pas le plus gros défenseur, on est d'accord, Mais ce mais qui va pas, c'est que c'est plus un ancien meneur du type scoreur, et actuellement à Toronto, il est à moins de 3 passes par match, et qui, malgré l'âge, malgré ceci, il est toujours vers le panier, vers le scoring, plus que dans la gestion et la construction, et même dans la passe, tu vois. Nous, aujourd'hui, on a déjà parlé, on a déjà ce type de joueur sur le retour avec Kemba Walker, vieillissant, qui ne veut pas non plus se renouveler. Et d'ailleurs, notre Kemba, même si il fait du haut et du bas, et plutôt du bas que du haut, pareil, Tom Thibodeau n'était pas très partisan de sa venue. Ouais. Il l'a d'ailleurs sanctionné assez rapidement dans la saison, sûrement avec l'accord du front office. Et maintenant, il remet. On s'est dit peut-être à un moment, est-ce pour lui donner de la valeur et essayer de le faire partir au moment de la trade deadline? La trade deadline est passée, Kemba est toujours là, et on ne sait pas trop est-ce que ça va être notre meneur titulaire toute la saison, ou alors. Au retour de Derrick Rose, il y aura peut-être un ajustement. Ouais, après Derrick À Rose, on l'a voir, déjà dit, mais. ça va dépendre de son physique, il va falloir quelques temps, donc je ne pense pas qu'il va être placé titulaire tout de suite, on verra. Non, une trade deadline un peu décevante parce que tu attendais, en fait, si l'équipe tournait, qu'on fasse rien, c'est normal, il ne faut pas la toucher, voilà. L'équipe est. C'est même pas que l'équipe ne tourne pas, c'est que là, on est sur une spirale négative incroyable, une des plus mauvaises qu'on ait vues depuis ces 2 dernières saisons, vraiment. Et dans la mentalité et sur le Ouais, terrain, il fallait faire quelque chose. il a besoin d'un ressort. Je pense que, et je vais être franc, je pense que Thibodeau, pour lui, son ressort, il a déjà avec D. Rose. Comme tu l'as dit, il attend absolument le D. Pour lui, c'est la pièce qui manque, il y a 4 fois et tout. On en a déjà parlé. Il joue la montre depuis un moment en attendant son retour. Et il va falloir Exactement. encore patienter quelques matchs, Mais D. mais... Rose, c'est fin février, 34 ans, 30, je sais quel âge il a, D. Rose, là. Il va pas se remettre en marche en 2 jours. Donc, Thibodeau, je pense que dans ses choix, Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais tout ça pour dire qu'on sent de la friture entre la ligne front office, la ligne coach. C'était déjà un peu le cas avec la sélection d'un draft de Obi Toppin, qui était plutôt le choix de Léon Rose et pas forcément le choix de Tom Thibodeau. Hein, on clairement. a un coach défensif et on lui met des joueurs offensifs. Et on sait que Tom Thibodeau, c'est pas le meilleur stratège d'un point de vue offensif. Donc voilà pourquoi il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La saison dernière, ça a fonctionné. Beaucoup de joueurs, beaucoup de noms étaient, on va dire, dans les rumeurs. Les rumeurs, ça reste des rumeurs. Même Cam Reddish, à un moment donné, était annoncé partant aux Lakers. Finalement, on l'a gardé. Donc, d'une certaine façon, on n'a pas eu de move. On n'a pas eu non plus de dinguerie du genre on dégage la moitié du roster pour récupérer des contrats expirants, des John Wall ou que sais-je. Des joueurs qu'on n'a plus vus, dont on ne connaît pas le niveau et qu'on aurait pris pour un nom, avoir un nom pour un nom. Donc, d'une certaine façon. On n'a pas cramé, on n'a pas grillé nos jeunes. Ça veut dire que ce que ça veut dire, est-ce que c'est juste pour finir la saison? Est-ce que c'est d'ici un rendez-vous d'ici la prochaine Free Agency? Il y a un nom qui revient assez souvent encore dans les discussions, et là le rendez-vous il est plutôt pris pour l'été, c'est Jalen Brunson, le fils de Rick Brunson. Rick Brunson, un ancien Knicks, Rick Brunson, un ancien, voire le premier client de Léon Rose. Donc voilà, cette histoire est en train de monter un petit peu, mais là ça sera un rendez-vous pour la Free Ouais, Agency. mais attention, Il va falloir lâcher des c'est un dollars, bon joueur, mais et ça va être une autre histoire. c'est pas non plus un game changer, il va pas changer la face de l'équipe. Non, mais est-ce qu'on cherche vraiment un game changer? Aujourd'hui, le projet, et ça s'est confirmé. Il est toujours autour de Julius Randle et RJ Barrett. On va parler de cette semaine et ce qui vient de se passer, mais aujourd'hui, le projet, moi, il n'est plus aussi lisible que ça. Et je pense clairement que pour Léon Rose, il n'est plus si lisible que ça. Pour Thibodeau, il est fixé sur ce projet avec ces joueurs-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a deux personnes, on a deux mentalités qui s'opposent un petit peu. Le pragmatisme, à mon avis, du front office, genre, bon, bah voilà, on a fait un an, mais là, voilà. Et Thibodeau qui dit non, il reste sur son année dernière, on a réussi, on va repartir avec les mêmes. Donc, on a deux mentalités différentes. Et je ne sais pas qui aura le dernier mot. En général, le front office a quand même plus de chances d'avoir le dernier mot. Mais bon, voilà, je ne Ça sais a pas des comment ça chances. va se passer. Donc voilà. Bon, on avait beaucoup de choses à dire, malgré qu'il se soit rien passé. Il y a eu beaucoup de déceptions. Finalement, on a gardé aussi certains joueurs, parce qu'on aurait été sûrement peiné de voir certains partir dès maintenant. Voilà. Est-ce qu'ils auront plus leur chance pour jouer sur la fin de saison? Affaire à suivre. Mais voilà, en tout cas, c'était la grosse attente sur la semaine, et on a été déçus. Alors, sportivement, il s'est passé des choses. Il y a eu 4 matchs. On va essayer de débriefer ça assez vite parce que c'est pareil. En termes de déception, on a une autre dose. On avait fait des pronostics. Et Bon, sûrement. on s'est. Toi, t'es bon. Bah, moi, je me suis gouré. Hein. Bon, Pas pour après, les j'étais un petit peu plus optimiste. Ça s'est bons pas matchs, produit comme on voulait, mais. mais bon pronostic. Bon pronostic, pas sur les matchs, Ouais. mais bon pronostic. Bon, une semaine compliquée parce que c'était un road trip à l'ouest. C'est jamais évident. Une semaine compliquée et on l'a vu sur certains matchs, le match contre les Denver Nuggets, qui n'est pas le premier, mais sur lequel les Knicks se sont malheureusement illustrés en ayant la pire première mi-temps de l'histoire depuis, enfin de l'histoire, depuis 1966, en encaissant plus de 80 points. Pouh, un blowout. Ça, c'était le pire de la semaine? C'était Je suis annoncé. même pas C'est sûr. pas le Je pire de suis la même pas semaine. sûr. C'est pas le Je pire suis de la même pas semaine, sûr. mais on l'avait annoncé. Je t'avais annoncé le blowout contre Denver. Donc, Oui. continue à l'aller. Il fallait pas être un génie pour savoir qu'au retour, on allait se faire marcher dessus. Hein. En back-to-back, c'était compliqué et on s'était déjà fait dévorer par Nikola Jokic. Il avait encore faim et il n'a fait qu'une bouchée des Knicks. Et puis il y a eu lui et ses teammates. Hein. Bon, alors si on prend un petit peu les choses dans l'ordre, pour commencer, on était chez les Mormons. Les Mormons qui voyaient le retour de Spida, Donovan Mitchell. D'ailleurs, petit passage, il paraît que ça se passe pas très bien avec Rudy Gobert. On dit ça, on dit rien, affaire à suivre. Mais voilà, en tout cas, il y avait le retour de Donovan Mitchell pour ce match-là, mais pas de Rudy Gobert, pas de Rudy Gay non plus. Donc on s'est dit, peut-être que sur un malentendu, ça peut passer. On n'était pas très loin, on n'était pas très loin, mais on n'y était pas quand même. Si près, si loin, j'ai envie de te dire. Si près, si loin, ça s'est joué sur la fin de match surtout. Hein, Ça on va pas refaire tout le fil du match, mais. s'est joué surtout sur un banc catastrophique. Deux joueurs ont marqué, ils ont marqué 7 points à 2, je crois, une connerie comme ça, j'ai plus la stat exacte, mais. Encore une fois, je serais tenté de dire. Encore une fois, un banc qui apporte plus. Pas. La seconde unité qui a été notre point fort l'année dernière, et je le dis à chaque fois, et un peu quand ça a été mieux en ce milieu de saison, début de saison, on n'a été pas trop trop mal. C'était la seconde unité qui était Ouais. justement brillante et justement on voyait le décalage avec notre Même plus starter. fort avec les Oui, starters. Et justement. là, bah, on a retrouvé une sorte de Là, on a logique. des. À Bah, savoir, les starters sont plus forts, mais. enfin, la logique, on a des starters qui sont moyens et une seconde unité qui est inexistante. Donc, forcément, pour gagner des matchs, c'est compliqué. Rudy Gobert étant pas là, Rudy Gobert étant hyper important cette saison à Utah, Joe Ingles étant transféré blessé. Donc, tu m'entends? Je t'entends, oui. Donc, Mais du coup, oui, effectivement, il y avait peut-être une opportunité. il y a des moyens de se dire que bon, c'était un match que tu pouvais espérer prendre ou en tout cas inquiéter. Sur le match, on était si près, si loin parce que. Oui, au final, au niveau du scoring, ça n'a pas été un blowout total, mais j'ai jamais vraiment senti qu'on pouvait gagner. Julius a fait un match plutôt correct. D'ailleurs, il va faire une semaine, je vous reparle tout de suite, il fait une semaine correcte statistiquement parlant. Tu sens qu'il a envie de prouver, c'est pour ça qu'il est même un peu trop dans l'énergie, un petit peu même négative, c'est-à-dire qu'il est vraiment revanchard et qu'il est à fond et tout ça. Et Mais RG ce coup-ci, en dehors et ça va être le cas pour l'ensemble de sa semaine, il y a une production statistique. C'est vrai. On l'a dit, on en a déjà a parlé. Un poste 4, il va prendre des rebonds. Parce que ça va lui tomber dans les mains ou tout proche. Donc de toute façon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la production statistique, même quand il ne joue pas terrible, terrible. Mais là, c'était dans l'attitude et dans l'énergie et dans l'envie. Et c'était mieux quand même. C'était mieux. Oh, non, C'était mieux sur cette semaine. Et c'est lui qui on porte va l'équipe. dire qu'il commence à re... on va dire qu'il sort la tête de l'eau. Il n'est pas assez fort pour nous faire gagner des matchs, pour être franc. Hein. À ce niveau-là, il ne peut pas prendre l'équipe sur son dos. RJ était correct sans être transcendant. Le starting five était, on va dire, correct dans l'ensemble. Mais derrière, pas de rotation, pas de possibilité. On parle pas de Kemba, on parle pas de Kemba, mais sinon, on a un Mitch Robinson qui se fait plaisir, qui se régale sur ce match-là parce que Rudy Ouais. Gobert n'est pas là. Exactement. Mais Ouais. justement, il aurait pu apporter plus, il aurait dû apporter plus. Evan est Ah, correct. si on l'avait, un peu plus alimenté, si voilà, mais le Ouais, jeu il ne a aussi fait... s'appuie pas sur lui. Hein. voilà, il a des défauts aussi, on le sait. Donc, bon, voilà. Un match qu'on pensait perdant, qu'on a perdu. Ça commence mal la semaine, comme tu dis, juste derrière. On en a parlé juste avant. On va au Denver Nuggets. Un blowout, affreux. On va parler 3 heures de ce match, je ne pense pas. Non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et on s'est écarté, écarquillé, il n'y avait pas d'autre mot, laver, tout ce que vous voulez. Alors la seconde unité va rentrer un peu plus parce qu'il n'a pas de choix, Thibodeau. Il voit bien qu'ils se font marcher dessus, donc il met un Ouais. peu plus de cartouches Taupin par-ci, Grimes Mais par-là. le problème, c'est que quand tu prends 80 points en une mi-temps, c'est compliqué, quoi. C'est Alors compliqué quand ta défense est pas là. On a beau en mettre 60, donc on score. On est une équipe d'attaque cette saison. Voilà, il faut le pour un réaliser. coach Si on l'a pas défensif. compris encore. Pour un coach défensif qui sort de sa meilleure saison avec les Knicks, la dernière, notre meilleure saison depuis longtemps, sur une défense crude, le match 80 points, c'est pas de possible. Denver, il ne faut pas oublier que les dernières, des fois, on prenait 95 points sur un match. Et là, on prend Oui, 95 points oui. en deux quart-temps. Et puis à regarder. Oh là là, mon Dieu, c'était pénible. Hein. Moi, je pensais que c'était le pire match de la saison. Je pensais que c'était le pire match de la semaine. Disons qu'on n'a pas existé du début à la fin. On a Donc, il y fait avait le pire. ce côté, on regarde un match, tu te lèves la nuit pour regarder ton match, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? On a Pourquoi j'ai fait fait ça? pire. Un Non seulement back-to-back en champion, plus. mais on a fait pire. Je ne spoil pas Voilà. encore, mais on a fait pire. Alors, le troisième match était un petit bonbon sucré de la semaine. Je vais chez les Warriors, Oui! à Golden State. Attends, alors, petite. Non, il faut qu'on revienne sur un petit épisode très rapidement sur le match de Denver. C'est la blessure dans les Ouais. derniers instants de RJ Barrett. Donc, un blowout. Au final, Thibodeau fait du garbage time au tout dernier moment. Et dans la dernière minute, la cheville de RJ qui tourne. C'est la blessure con. C'est pas forcément sur une action où il est à fond Et et ça, tout. je vais te dire C'est. un truc. Voilà. Je voulais en parler après. Mais voilà, c'était la tuile. C'était la tuile Et... qui venait encore plus. Écoute, moi, je voulais en La aborder. pagaille sur la semaine, Je quoi. voulais aborder le sujet en parlant des trucs. On va en parler tout de suite. Cette tuile-là, elle est 100% pour Tib. Cette Ah, tuile-là, complètement. elle est pour Tib. Complètement. Et de toute façon, ce qui se Enfin. passe actuellement, non, c'est pas lui qui le blesse. Enfin, mais voilà, mais c'est de sa Non. faute. Non, mais disons que il a sa responsabilité parce qu'à ce Et moment-là, mets-moi du Cam Reddish, quoi. ça, Thibodeau, je t'en ai parlé quand il a signé, pour ceux qui nous suivent depuis les podcasts, écoutez, il a quand même toujours ce problème de croire que la NBA, ça se joue à 7 ou à 8. Ça a évolué, on en est très loin. À la période où on est à l'ère du load management, même si ce n'est pas forcément mieux, mais voilà, lui continue à tirer. L'année dernière, il est arrivé avec son programme fraîcheur, entre guillemets, les gars, il y avait de l'envie et tout, mais il a tiré comme un porc sur nos joueurs. Aujourd'hui, Surtout que rentrer. là, c'était un match en back-to-back, sur Mais un road trip. quand Donc à un moment, t'as compris c'est que le match tu gagnerais pas. Lui, pas il pensait faire un run. mais c'est pas ça, c'est ce qui se passe de cette saison, c'est ce que tu peux aussi de ta saison dernière où tu as tiré à fond sur les joueurs, tu as quand même à part deux trois joueurs et encore Evan et Kemba qui n'étaient pas là, tout le reste de ton roster, c'est les mêmes, tu as tiré fort, tu continues à tirer fort, RJ se pète parce qu'il est fatigué, parce que ça ne sert à rien et Julius a des gros défauts cette saison. Peut-être qu'il n'est pas aussi fort que ce qu'on a vu l'année dernière. OK. Oui. Mais il est peut-être aussi usé, parce que je suis désolé, il a toujours usé ses joueurs, que ce soit à Chicago ou à Minnesota. Il a même usé un gars comme Derrick Rose, qui était pourtant bien plus fort dans son prime qu'un Julius. Donc il faut remettre ça en perspective. Et aujourd'hui, il refait les mêmes erreurs. Et là, c'est inquiétant, parce que dans cette spirale négative, tu n'incorpores pas ton banc, tu ne leur apportes pas de la fraîcheur, là où les starters ont besoin de souffler. ont besoin d'autre chose, et quand tu as besoin, bah, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. En Tu peux pas. plus de la physique, la fatigue physique, il y a la fatigue mentale, parce C'est que sûr. perdre, ça use, parce que Non. les rumeurs, parce que voilà, tout ce qui se passe autour de la franchise, c'est fatigant. Donc il y avait ce côté, je pense, effectivement, où il tire trop sur la corde. Il y a ce Donc du côté coup, voilà, fallait qu'on en parle, c'est ta faute, Tib. Non pas que RG aurait pas pu se blesser à un autre moment du match, mais à un moment donné, il faut que tu saches jeter lâcher, l'éponge, lâche, et sur lâche. ce match... Il faut arrêter. Et puis, tu as d'autres joueurs. Tes autres joueurs, tu en as besoin. C'est une saison importante. C'est une saison NBA. Tu as besoin de tout ton roster. Tu les incorpores pas dedans. Tu les fais pas jouer. Forcément, ça. RG était pas forcément dans un bon match non plus, donc à un moment, voilà, arrête, arrête, Et puis arrête. fais souffler tes gars. Fais souffler tes gars. Et ça évite de les péter. Et puis, Et c'est pas. tout ça nous amène au match de Golden State, où on se dit, bon, voilà, RG, il a la cheville en vrac, on va se faire défoncer, on va se faire défoncer contre les Warriors. Alors même s'ils n'ont pas du Draymond Green, même s'ils n'ont pas une raquette très très imposante cette saison, mais voilà, on donnait pas cher repos de la peau des Knicks. Et pour autant, et ben ils ont été le chercher ce match. Alors ça s'est joué dans les derniers instants aussi, hein, parce qu'il y a eu une petite remontada des Warriors sur la fin. Et on sait qu'avec les Warriors, ça peut prendre feu assez rapidement, parce qu'ils ont cette facilité, cette faculté à pouvoir mettre des runs sur leur adresse extérieure. Mais tout de même, ils nous ont surpris, les Knicks, avec encore un Julius plutôt bon, hein, qu'on C'est bon. retrouve dans une attitude qui va vers le panier. Alors il aura toujours du déchet, il va perdre des Ouais. balles, même si sur ce match-là il Et est plutôt propre. je pense qu'ils sont soulagés de Mais agréable surprise sur ce ça. match tout de Ouais, même. toi, je pense que ça a été un regain d'énergie du côté de la Free Agency. Ça n'a pas bougé alors que ça fait des semaines et des jours qu'ils étaient dans les Trade rumeurs. deadline, ouais. Parce que Peut-être. c'était le match d'après, c'était le match du Voilà, 10. c'est ça. Peut-être que les joueurs se sont dit bon, voilà, donc ça les a reboostés, quoi que ce soit, psychologiquement. Et du coup, ils font plutôt un bon match. Ils ne se prennent pas de gros runs, à part à un moment donné quand Golden State revient, mais ils sont quand même solides, sérieux, appliqués. Un match appliqué. Evan est plutôt bon. Julius est impliqué au niveau du scoring. Alors, j'ai retrouvé un Julius de l'année dernière. Ce n'est pas le fait que RG soit pas là qui fait que Julius est meilleur, mais du coup, il était beaucoup plus responsabilisé dans le scoring. Il a compris que là, c'était soit lui, soit rien. Même si Evan l'aide et quoi que ce soit, je pense que Julius s'est impliqué d'une façon en disant, bon, allez, là, c'est vraiment sur moi. Et du coup, on a vu un Julius qu'on avait vu l'année dernière par séquence. Mais surtout ce qu'on peut voir par séquence, même s'il va avoir ses périodes d'absence, de ne pas être attentionné sur tous les replis défensifs, mais il se donne plus aussi des deux côtés du terrain. On C'est le ça? voit aller contester des tirs, aller essayer de bloquer, de faire des relances. Donc voilà, et de revenir un peu plus aussi. Donc on sent, alors je sais pas si c'est un début de prise de conscience, s'il se sent plus soulagé par rapport à la free agency, même s'il lui Peut-être. a dit non, non, mais les gars, moi j'étais conscient. Voilà. Bon, voilà. Ne fanfaronne pas tellement parce qu'on sait que t'étais pas si confiant que ça. Voilà, il n'était pas sûr. Mais du coup, peut-être que Mais ça l'a voilà, on soulagé. retrouve un meilleur Julius. Mais ça va. Thibodeau qui a redit qu'il leur faisait confiance et dans cette période-là. Écoute, il a montré des choses. Et dans l'attaque au panier, c'était très flagrant dans l'attaque au panier et dans la gestuelle. Contestation, position adverse. Donc c'est vrai que Le là-dessus. fameux body language, ouais. Ouais. Et on a vu la Et différence. puis, et puis, et puis, on a vu la différence, enfin peut-être pas de sa part, mais contre le match contre les Blazers. Là, ce samedi soir. L'équipe déroule, l'équipe joue contre une équipe des Blazers qui est plutôt Ah mais remaniée, qui a quelle tapé les Lakers, ah certes, une mais fois de plus l'équipe mène de 20 points, 23 points. 23 points, remue le couteau dans la plaie, vas-y. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, il se passe que c'est une faute professionnelle, il se passe que c'est honteux. Il se passe qu'on choque, il se passe qu'on choque dans le quatrième carton, quoi. 4-14, tu es à plus 12 ou plus 14, je ne sais plus, à un moment donné, il reste 7 minutes, je crois, un truc comme ça, et c'est honteux. C'est honteux de perdre ce match de cette façon-là à Portland. C'était une équipe qui était plus que prenable. Tu viens de gagner les Golden State, ok, c'est le moment de valider ta victoire par Portland et te dire, les gars, on sort d'un road trip de merde, on sort d'une semaine compliquée, Free Agency et tout, on valide tout ça. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se recrée des problèmes là où il ne devait pas y en avoir. On se Et recrée des ennuis. moi Julien, j'ai envie de dire que, encore une fois, la faute, on peut la donner à Thibodeau. Bien Parce que sûr. moi, je demande un temps mort. Ah oui. Et Thibodeau, Tom, puis, temps temps mort, mort. changement. Voilà, tu fais. Temps mort. Thibodeau, pourquoi tu ne prends pas des temps morts pour couper cette remontée, ce moment de panique, parce que les Knicks sont plus capables de mettre un panier? On va faire des cartons où on va mettre 35, 39 points, je sais plus, sur le troisième. Alors que le troisième, c'est rarement celui où on brille. Et là, dans le quatrième carton, on met 11 points, quoi. 11 points. Et du coup, on se refait passer devant. Et puis, Portland prend la confiance. Et Portland est dans sa salle. Et Mitch est encore reparti à l'infirmerie parce qu'il s'est fait la fiche-fille ou je ne sais quoi. Et Yusuf Nurkic démonte la raquette parce que Taj Gibson, il a beau être gentil, il a beau être vaillant, il a beau faire tout ce qu'il peut. Il fait pas le poids par rapport à. Il fait pas le poids par rapport à un Yusuf Nurkic. Il y a un moment donné, les oppositions, le physique, ça rentre en considération dans ce genre de match. Et alors, Jrue Sims, il a beau être jeune, il a beau ne pas encore avoir tous les éléments pour être un joueur NBA sûr, mais au moins il a son physique, quoi. Il a son physique et la taille, le body, ça s'apprend pas, quoi. Donc au moins il aurait gêné, je pense, Yusuf Nurkic, alors qu'on a vu, bah, du coup, un truc, une scène hardcore de Nurkic qui fait ce qu'il voulait de Taj Gibson, quoi. Yusuf Nurkic qui finit le match avec 20 rebonds, quoi. Comment veux-tu gagner dans cette situation-là Ça par réduit. rapport à des Blazers qui n'étaient pas une équipe qu'on pouvait craindre, quoi, je veux dire, Ça même si réduit. Anfernee Simons s'y fait un bon moment, voilà. Ça résume Non, la non, c'est saison. pas normal. Ça résume la saison. Un petit peu d'espoir avec voilà, les Warriors, on se dit, ah tiens, Aucune et puis là gestion. où on doit gagner des matchs, et ben on les perd. Aucune gestion. Ça te chauffe quand il faut pas. Le coaching n'est pas là. Une blessure parce que justement tout ça en découle et puis voilà, c'est l'image de la saison et pour moi cette saison Thibodeau est à la ramasse totale. On pouvait le défendre au début, on pouvait dire qu'il t'a, mais voilà, ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps, ça fait Et trop il va nous longtemps. laisser Kemba quasiment. Alors Kemba fait un plutôt bon match, un plutôt bon début de match. Sur la fin, non, parce qu'en gros sur le quatrième carton, on va pas me dire qu'il y a un joueur qui fait un bon match. Evan, catastrophique sur ce match, alors que sur les matchs précédents, il y avait du mieux, hein, il apportait du scoring Evan, régulier. Là sur ce match, il met un panier, quoi. Enfin. Evan, comme sa saison, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Et tu sais, la plupart des joueurs sont comme ça. Un coup, je veux qu'on le trade parce que je dis non, c'est pas possible, le fit marche pas. On l'a pas tradé, certes. Et puis les 2-3 matchs après, bah, il va nous sortir des 20 points, de l'adresse régulière. Tu fais ah bon, bah ça y est, il est peut-être lancé. Et puis là, boum, un match où il passe complètement au travers. Et c'est dommage parce qu'en plus, sur ce match-là, Quentin Grimes, le petit rookie que j'aime bien, qui a des problèmes de peau, mais admettons, et ben il nous fait une belle prestation. Et puis on le voit plus après, quoi. Ou du moins il shoote plus après. Et il t'apporte du scoring, il a ce petit poignet à 3 points qui peut Ouais. aider. Il a cette défense. Alors non, Thibodeau, bah du coup revient sur mes rotations, mes titulaires, c'est eux, donc c'est eux que je responsabilise, et c'est eux qui doivent faire le taf au moment prévu. Eh ouais, mais sauf qu'à un moment, ton joueur, il est à la ramasse depuis le début. Peut-être qu'il peut se réveiller. Et bah non, il s'est pas réveillé. Et du coup, c'est un fiasco sur ce match qui. La victoire était dans la main des Knicks et ils l'ont laissé passer. Et c'est vraiment finir ce road trip sur une mauvaise note. C'est la honte. Hein. Bah, allez, vas-y, que je t'envoie des trolls à droite à gauche pour dire regardez les Knicks, ils étaient à tant de points. Et puis ils ont choqué. Hein. Ils ont rien pu mis sur la fin de match. Donc c'est. Ouais. Bad mood pour finir la semaine dernière. Ce match était prenable. Ce match devait être pris dans cette. Non, mais c'est vrai. Dernière course pour aller accrocher peut-être un spot en play-in, hein, ça se Attends, reparle de play-in. c'est un roster dégueulasse. Ils ont 13 CJ, Malcolm, ils ont Damian Lillard qui est pété, ils ont des no-names, c'était nul, tu les mènes. Le problème, encore une fois, c'est qu'il est trop rigide, Thibodeau, et qu'il fait n'importe quoi en ce moment. Il fait n'importe quoi, il est buté, borné, là, il n'y a pas d'autre mot. Sans tête. Non, c'est ça, c'est ce qu'on dit généralement, il va vivre et mourir avec ses Ouais, idées. mais là, Bah ses là, il va vivre et idées, mourir avec son starting, là, il ses commence rotations, vraiment quoi. à partir à. Là, il se rapproche de plus en plus du suicide parce que en fait, tout le monde le voit, c'est flagrant. Enfin, c'est extrêmement lisible pour les autres équipes, aucune surprise. Et du coup, on a les mêmes erreurs, les mêmes problèmes et les mêmes défaites. Et Alors, ça. je suis pas le premier partisan de dire il faut faire jouer les jeunes parce que ça va les développer tout ça. C'est pas qu'une question de jeune, pas jeune. À un moment, Ça n'a rien à il le dit voir. aussi, c'est je fais jouer les joueurs qui sont bons au bon moment, quoi. Exactement. Mais là, sur le coup, non, t'as pas mis les joueurs qui étaient bons au bon moment. Je suis désolé, je suis Et désolé. Jeune ou pas jeune, jeune ou pas jeune. là, tu fais rien. Et en fait, là, tu as l'impression que c'est un peu comme dans la haine, là. Le gars, il descend Jusqu'ici, tout va bien. de Jusqu'ici, tout va bien. il voit rien. Mais là, on voit très bien que tu te rapproches du sol et que ça va commencer à piquer. Et le front office le voit, les médias le voient, tout le monde le voit. Et là, cette défaite a... Et on pouvait se dire limite, avant la trade deadline, tu essayes de donner de la valeur à certains joueurs. On pouvait éventuellement se supposer ça. On pouvait éventuellement se dire, ok, le front office, Thibodeau allait se dire, le front office a voulu m'imposer des joueurs, je joue avec, je vois que ça marche pas, voilà, vous aurez compris, j'envoie un message au front office. Mais là, ça y est, c'est passé la trade deadline. Alors oui, il y a eu cette victoire, un peu de prestige, un peu qui a un petit peu redonné un petit peu le Un sourire peu par rapport trop aux grand, Warriors. un trop peu, un Mais trop peu. derrière, il n'y a pas les ajustements au sein de la rencontre. Et puis la rencontre, voilà, on l'avait en main et on s'est pris la marée sur la Pour fin moi, de la rencontre. Et c'est une des on défaites. repart la queue entre les jambes. Ouais, pour moi, c'est carrément une des défaites qui me saoule le plus cette saison. Vraiment. Alors Là. il y a eu les défaites contre Orlando, qui était pas bonnes, Ah, mais hein, c'est en début de saison. un début de Donc on saison. pouvait après se dire bon c'est le rodage, nanana. C'est ça. Mais Là. là où maintenant on jouait mieux quand même, il faut le dire, on jouait mieux. Qui sait que Là j'aurais on laisse mieux. filer le match. Et On puis t'es laisse sur un filer le début de match, quoi. saison, il y avait encore ceci, cela. Et là, en fait, tu vois que c'est péril dans la demeure et qu'il y a le feu et tout depuis des matchs et des matchs. Et tu te retrouves sur un match où tu as extrêmement besoin de gagner contre une équipe pétée en menant au score et tu le perds d'une façon dramatique, tragique. Et tu as un coach incroyablement passif en quatrième quart-temps. Et là, tu te dis, mais en fait, tu regardes ça, tu te dis, mais ils sont sérieux là? Ils sont sérieux. Ce que je Alors vois, pour moi, je vais pas partir non plus et voilà, il faut raison garder toujours. Tom Thibodeau est un coach fait pour les Knicks, pour New York, pour bah, ce type d'équipe, certes. Il est psychorigide sur ses rotations, tout ça. On veut des ajustements sans forcément transformer l'équipe parce qu'il n'a pas la capacité de la transformer pour être voilà, très forte défensivement à partir du moment où ça n'a pas cliqué depuis le début de la saison et ni offensivement. Après, il y a un problème d'adresse sur ce match, certes, ça va arriver, mais quand même. Mais voilà, quoi, c'est pas possible. Il y a cette semaine, autant le blowout contre les Nuggets, vous pouvez s'y attendre. C'est les un Nuggets, blowout, c'est un t'es autre pas niveau. dedans, voilà. Attends, Là, les ce Nuggets, match, tu c'est le un autre tiens, tu dois niveau. pas le laisser filer, quoi. Les Nuggets, c'est un autre niveau. Tu as le MVP Ouais. qui a peut-être été double MVP. Disons que Non, j'étais gêné, embarrassé parce que ce 80 points en première mi-temps, tu dis mais non, c'est pas possible. Heureusement, on s'en prend pas 160, mais bon. en face, il y a du niveau quand même. Voilà. Là, Voilà. Donc limite, c'est une défaite encore. gênante, mais voilà. Là, elle est À un plus moment que donné, gênante, j'ai regardé embarrassante. le roster et les joueurs, il y en a au moins 3K. Je me dis, putain, mais. C'est qui lui? Ouais. C'est lui. Ouais. Alors, Comme Perrin. quoi, comme quoi. Alors bon, les Lakers se sont fait taper par ces mêmes Blazers. Donc peut-être qu'ils vont eux faire une deuxième partie de saison plutôt honorable. Donc voilà, on leur souhaite le meilleur. Mais c'est de l'ordre de la faute professionnelle de laisser filer cette victoire qui tendait les bras aux Knicks. Et sur le contexte Bon. actuel, encore une fois, Oui, tu où t'as n'as besoin d'aller rien chercher des victoires. T'en as plus que besoin. pour de la sérénité, quoi. Bon, allez. On va laisser passer cette semaine. Il y avait beaucoup de choses à dire. L'épisode serait un peu plus long. Mais bon, comme il y aura un break du All-Star, vous aurez le temps de regarder ça tranquillement. Alors maintenant, on va quand même parler de ce qui arrive. Parce que bon, le passé, c'est le passé. Et il se passe des choses dans la semaine qui arrive côté Knicks. On en parle, Julien? On regarde un petit peu le programme de la semaine? Allez-y. Allez, c'est parti. C'est parti. On parle du programme de la semaine à venir. Go New York, go New York, go! Allez, on va essayer de se redonner un petit peu le moral avant la trêve pour le All-Star Game. Deux matchs après un long road trip à l'ouest. Ça y est, les Knicks reviennent à la maison. Et cette semaine, ça sera deux petits matchs avant le break pour envoyer un certain Obi Toppin à Cleveland. Qui est-ce qui prend des vacances à Cleveland? Eh ben, Obi Toppin. Les autres, ils verront les vacances ailleurs. Mais bon, cette semaine, du coup, deux matchs à domicile, deux adversaires différents. Un qui est censé être fort, qui est en galère en ce moment. Un qui est censé être claqué, mais bon, hein, les Blazers, c'était censé être claqué. Deux matchs, qu'est-ce qu'on en pense, Julien? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu pressens ces matchs? On Compliqué. craint, on craint pas, on est Ah, confiant. on craint de rien du tout avec ce qui vient de se On passer. craint tout le reste de la saison. Chaque match va être une épreuve. Et je vais même te dire, le premier match contre OKC, je le crains vraiment fortement. Alors, on avait perdu contre eux. Attention, on Déjà. avait perdu contre eux Oui. aux alentours de la fin de l'année, au moment du réveillon du Alors, premier de l'an, là. je ne suis pas totalement toutes les équipes NBA, je vais pas avoir cette prétention. J'ai vu qu'ils ont fait deux, trois petits trucs sympathiques dernièrement. Avec un petit regain d'énergie, c'est Énergie, quand même une ouais. équipe qui est faible. Mais voilà, Alors, on est chez nous, sur le papier, on doit le prendre. Mais on est chez nous. Et RG sera de retour ou pas, je n'ai pas l'info là. Espérons, espérons. Donc, voilà. Et deuxièmement, c'est tout à fait le genre d'équipe qu'on est capable de prendre un petit peu de haut alors qu'il ne faut pas et se faire cogner. Donc, moi, je suis très inquiet contre cette équipe parce que, voilà, il y a des petits jeunes, il y a deux, trois joueurs talentueux, ça peut aussi courir vite, ça peut nous mettre en difficulté. On a vu que contre des équipes un peu athlétiques qui aiment bien courir, voilà, l'ennemi, c'est pas l'équipe la plus rapide de la ligue, hein, clairement. Là, et puis on est en plein doute. On est en plein doute. C'est typiquement le genre de match où, au troisième quart-temps, on n'a pas réussi à le décoller et qui se tape un run en face. Et que là, ça commence à bégayer parce que tu te dis, il y a la pression du Garden. Ils sont chez nous. Ils sortent d'une série négative. Julius Randle au Garden en ce moment, c'est quand même pas la panacée. Il a fait une semaine plutôt intéressante, mais c'était à l'extérieur. Les blessures, les moves un peu bizarres de Thibodeau, c'est le match de merde par excellence, hein, quand même, hein, faut le dire. Hein. Attention, attention, on annonce le match piège. Voilà. On a un adhérent, on a Paolo, qu'on avait reçu sur un épisode de podcast, il y a deux épisodes, je crois, qui sera au Madison Square Garden pour ce match. Donc on souhaite pour lui qu'il voit un bon match, du moins pas un truc dégueulasse comme on a pu le voir contre Portland, hein. Voilà, mais voilà, c'est le match piège. Alors après, ok, il y a eu la piqûre de rappel là. Il y a eu la piqûre de rappel contre les Blazers. Un match, ça dure au moins 48 minutes. Donc là, messieurs les Knickerbockers, appliquez-vous, hein. De toute façon, il y aura le public pour pousser derrière ou pour huer ou J'ai envie voilà. de me dire victoire, mais franchement, je suis pas sûr. De toute façon, on a besoin de cette victoire. Est-ce qu'on va réussir à la chercher? J'ai envie d'être confiant, voilà, parce que Julius joue mieux, parce que Cam Reddish, le peu qu'on a pu le voir, il peut apporter quand même, il peut être intéressant, il peut Mais être attends, utile. attends, il joue pas, il y a pas Le RJ. peu, le peu, le peu. Après, est-ce qu'il y Il aura RJ Barrett? Je ne sais pas. y a pas RJ, il joue quand même pas 30 minutes. Donc Non, non. D'accord, mais sur les quelques séquences qu'on a pu voir sur les derniers matchs, Ah il peut apporter. mais moi je suis convaincu À qu'il va voir. l'apporter. C'est pas moi qu'il faut convaincre, hein. C'est un certain Un certain tome. Un Tom Thibodeau, un Titi. Mais oui, non, mais tout va dépendre effectivement des rotations. Tout va dépendre aussi de l'adresse. L'adresse, est-ce que Evan Fournier aura retrouvé son adresse? Est-ce que c'était juste un trou d'air contre Portland? On espère. Mais bon, il faut aller le chercher. Et puis l'autre match important, l'autre match attendu cette semaine-là, c'est le derby. C'est le derby acte 2. Hein. On avait joué les Nets de James Harden et Kevin Durant il y a quelques temps déjà, avec leur petite tenue vintage New Jersey. Hein. Là, cette fois, ça sera chez nous, ça sera au Madison Square Garden. Il n'y aura pas de James Harden. Il n'y Bah aura oui, pas parce de Durant. que oui, mais il n'y aura pas de James Harden. Il n'y aura pas Kevin Durant parce qu'il est Il n'y aura encore pas blessé, il Kyrie reviendra Irving. après. Et il n'y aura pas Kyrie Irving parce qu'il a un problème de passe vaccinal, je sais pas. Bref, mais il y aura d'autres joueurs. Est-ce qu'il y aura Ben Simmons? Est-ce qu'il y aura Ben Simmons? Ben Simmons qui n'a pas perdu un match au Madison Square Garden. Alors est-ce qu'il va jouer? A priori, Steve Même te Nash dire nous a un dit truc. bon, on va prendre notre temps, Mais attends, hein, faut et qu'il attends, se et remette, attends. hein. C'est encore plus incroyable, Ben Simmons n'a pas perdu un match cette saison. Oui, ça c'est certain. Bon, les mauvaises langues diront qu'il n'en a pas gagné un non plus. Par contre, il a perdu 19 millions de dollars. Bon, ça c'est une autre histoire. Ben Simmons, voilà, certains auraient bien aimé le voir au Knicks. Moi, à partir du moment où il est honnête, j'ai pas envie de le voir. Mais Non, voilà, non, bon, on ne sait pas quelle équipe il va y avoir. ouais, ce sera toujours dur, ce sera Est-ce toujours que dur. c'est prenable? Est-ce que c'est prenable? Moi, je pense que c'est prenable, tu vois. Je pense que c'est Ça serait prenable. bien. Ça serait bien. C'est prenable, peut-être même plus qu'au Kessi. Surtout que ils sont sur quoi? 10, 11 défaites consécutives, les Nets? C'est alors, sur C'est le l'équipe à New York qui perd le plus en ce moment, il faut ouais. le dire. Bon, après, ils Mais sont encore mieux classés que nous, mais si ça on avait continue, pris de l'avance. on va être en bas pour le play-in tous les deux. C'est prenable parce qu'ils sont sur une spirale incroyablement négative. Le trade d'Harden ne fait pas du bien, hein, parce que ça prouve que c'est le bordel. Ben Simmons va peut-être être à court encore de forme, parce que même s'il s'entraîne, ce n'est pas les matchs. Il va en jouer peut-être un avant, ou deux. C'est pas certain en fait qu'il soit aligné. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas quelle équipe des Nets Voilà. les Knicks vont Mais en affronter. On tout sait pas non cas, plus qui aura côté Knicks, mais. quand ils ont joué contre nous, c'est quand même à chaque fois Irving ou Harden, voire du Durant, qui a quand même permis à cette équipe à chaque fois de faire la diff. On a vraiment vu que c'était eux qui faisaient step up, sinon c'était prenable. On se rappelle qu'on perdait. Après, bon, dans le trade qui a fait partir James Harden et qui a fait arriver Ben Simmons, Ben Simmons, c'est pas arrivé tout seul. Il y a du Dede Drummond, Donc attention, au niveau de la raquette, ça sera un peu moins facile. Non pas que ça soit le DDD Drummond de son prime, on va dire Oh, des mais Pistons, il croit mais pas mal. il est un bel aspirateur au rebond, et voilà. Donc Non, s'il est mais aligné, on sait pas, hein, il peut être gênant. on va peut-être pas faire un plus 20, mais pour moi, Oh, je veux bien, je veux bien, mais ouais, mais ça risque. pour moi c'est prenable. En plus, on sera au Garden, quoi qu'il arrive, tout va être oublié entre guillemets des autres matchs. Ça va être concentré que sur ce match. Faut C'est gagner. pas un match comme les autres, peu Voilà. importe qui sera En présent, ça gros, sera pas un match tout le contre monde les va autres. oublier ce qui se passe dans la saison. Il faut taper les Nets, tapons les Nets, et puis après on en reparlera. Donc je pense que cette semaine-là, on peut viser deux victoires. Youhou! Et 100%! Wow, ça serait ça serait formidable! bien. Si je On en a mettais besoin surtout, on en a besoin. de On en a besoin. l'argent, je ne parie jamais, mais si je mettais de l'argent, je ferais une victoire, une défaite, parce que je pense qu'avec Knicks, c'est ce qui va arriver. Maintenant, je suis un petit peu, voilà, fougueux aujourd'hui. Je vais dire, allez, plus deux victoires, zéro défaite. Oh, il y a de l'optimisme, là, c'est bon. Écoute, moi je suis plutôt un Knicks fan optimiste, même si là la semaine m'a fâché et je n'ai pas aimé la fin de cette semaine contre les Blazers surtout, hein. Mais voilà, non, j'ai envie aussi de croire, voilà, retour à la maison, la trade deadline, on oublie, Julius rejoue mieux. Est-ce que RJ va faire son retour? J'aimerais bien. C'est qu'une entorse. Bon, après, on va peut-être pas forcer non plus et lui laisser du repos jusqu'au All-Star Break. Mais voilà, OKC, si, il faut prendre ce match. Là, maintenant, il n'y a plus d'autre joker. On parle pas de tanking, parce que je pense qu'on parlera pas de tanking tant qu'on aura Tom Thibodeau. Oui, peut-être qu'à un moment donné, en fin de saison, on fera des rotations qui n'étaient pas les rotations de début de saison. Peut-être que Kemba, on jettera l'éponge à ce moment-là. Mais à ce stade de la saison, même si on est encore distancé, on est loin. Très loin des playoffs, mais en termes de play-in, on n'est pas complètement loin, donc il y a toujours cet espoir. Et puis les joueurs nous font du haut, du bas, donc voilà, deux matchs à domicile, il faut les prendre. Et les Nets, si on les prend pas là maintenant, quand ils sont, on va dire, affaiblis, on aura du mal à les prendre un peu plus tard, quand tout le monde sera revenu, quand le règlement permettra à Kyrie Irving de jouer aussi à New York. Donc il faut aller chercher ces deux matchs. Et puis retrouver un peu de sérénité avant le All-Star Break. Comme ça, les gars pourront partir en vacances un petit peu plus serein pour la deuxième partie de saison. Bon, et puis cette semaine, eh ben on va regarder surtout un joueur. Enfin, du moins, en fin de semaine, sur le week-end. Notre Obi-Toppin, notre sophomore. Alors, Obi-Toppin, ce qu'on aime chez lui, bah, c'est son côté spectaculaire. Et il nous claque des bons petits dunks quand il a l'occasion de jouer en match. Et ben là, il va essayer de nous claquer des beaux petits dunks sur le Slam Dunk Contest. Alors, ça va être dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, je sais plus quelle heure. Ça donne envie de voir un petit peu la revanche d'Obi. En tout cas, il aura pas envie de faire une Fernie Simons en concurrent. Le gagnant du titre de la saison dernière ne viendra pas défendre sa chance. Donc, à toi, Obi, d'aller chercher ce trophée pour redonner un petit peu de baume au cœur aux fans d'Enix. Hein? N'est-ce pas, Julien? Voilà, écoute, on verra bien. Ouais, c'est la seule chose intéressante de ce All-Star Game. Donc, peut-être la seule chose que je vais regarder. Et puis, moi, j'y crois moyen parce que c'est un super dunker, mais pour moi, c'est un dunker de match, pas forcément de court, je l'ai déjà expliqué. Mais bon, on va Mais croiser on va le supporter, on va le supporter, on va être derrière toi, Obi, et propose-nous quelques dingueries, et puis voilà. C'est un bon. Même s'il a des grosses lacunes sur certains trucs, ça reste un bon gars. Oui, il a une bonne Ouais. mentalité. C'est un gagnant Et fort voilà, on souhaite le bonheur. du coup, on est content de ne pas l'avoir trade là, comme ça, tout de suite, Voilà. pour rien. Voilà, donc avoir les opportunités de jeu qu'il aura. En tout cas, restez aussi fidèles sur KNFTV parce qu'on a quelques petits contenus qui vont arriver à l'approche du All-Star Break. Donc, il n'est pas incertain qu'on voit quelques petits trucs concoctés côté KNF sur Obitopin. Donc, si vous aimez Obitopin, si vous aimez KNF, si vous aimez KNFTV, bah, vous mettez le pouce comme d'hab, mais restez à l'affût, donc la petite cloche, parce qu'il y a quelques vidéos qui vont tomber aux alentours du All-Star Weekend. Donc, voilà, restez à l'affût. Et puis, Julien. Avant de se quitter, avant de souhaiter une bonne semaine à tout le monde, il va falloir parler de ce qui arrive bientôt. Le 27 février, la première viewing party 2K22 est de retour. Après les viewing parties 2K21 pour le début de saison, eh bien on a une viewing party qui arrive le 27, le dimanche 27. Ça se passera au Hideout. The Hideout. J'allais dire le Hideout Café, mais non, le nom officiel c'est The Hideout. Donc on n'écorche pas le nom. Donc au The Hideout, l'affiche contre les Philadelphia Sixers de Joel Embiid James et Harden. James Harden. Donc si on n'a pas vu James Harden pour le derby, eh ben, on aura l'occasion de le voir. Parce que lui va jouer, hein, il n'y a pas de problème, il est en forme. Il aura l'occasion de venir affronter les Knicks au Madison Square Garden pour ce match, pour cette viewing party. Donc on vous attend nombreuses et nombreux, parce que c'est aussi ouvert aux ladies. Hein, on n'est pas sectaire chez KNF. Voilà. Si vous êtes supporter des Sixers, vous pouvez venir aussi. Bon, pas trop de bruit, mais vous pouvez venir. pour une petite soirée entre Knicks fans, parce que voilà, c'est la semaine de la Saint-Valentin, donc le cœur avec les doigts. Et on reste avant tout amoureux de cette équipe, qu'on gagne ou qu'on perde. Elle nous fait des fois vivre un petit peu des misères, mais on est toujours là pour la supporter. Et on n'est pas à la première saison galère, ça sera pas la dernière. Est-ce qu'on va accrocher les play-in? Je ne sais pas, c'est l'objectif. Est-ce qu'on va faire du tanking? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va choper un bolo triple pick? On verra, ça c'est encore une autre histoire. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, des trades, on n'en a pas fait. En tout cas, Obi, il est toujours Onyx. En tout cas, on gagne pas beaucoup de matchs, mais on est toujours là. Bon, un bon gros épisode, mais c'est le Star Break, donc vous aurez le temps de le regarder tranquillement. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous sur KNF TV au même endroit, au même moment, à savoir lundi prochain, où on parlera du coup de cette petite semaine avec ces deux matchs et ce petit Slam Dunk Contest. On espère qu'on aura le sourire, qu'on aura plein de bonnes choses à vous raconter. D'ici là, portez-vous bien, et puis, let's go Knicks. Ciao, bye bye. Ciao, ciao, ciao, bonne semaine à toutes. Ciao.